J'avais très envie de chanter Quoi ma gueule. Et c'est vrai que je t'aime, c'était un deuxième choix. Pas parce que je l'aime moins, mais parce qu'elle me fait plus peur. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au chant de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps. Alors j'ai eu la chance de chanter plusieurs fois avec Johnny Hallyday sur scène, puisqu'il m'a invité plusieurs fois à partager la scène de Bercy avec lui. Les gens qui me connaissent un petit peu savent que la scène, c'est comme pour beaucoup d'artistes, la maison, hein, on y est à l'aise et on n'a pas peur quand on se retrouve sur scène. On a un peu le trac au départ, mais on n'a pas peur pendant qu'on chante. Et pour le coup, et vous pouvez vérifier en regardant les images, je n'ai pas lâché mon pied de micro, mais c'est comme si c'était... Mon repère dans l'espace, je me suis dit si je lâche ce pied de micro là face à Johnny Hallyday, je pense que je tombe d'émotion. J'étais submergée, voilà, de me retrouver face à lui et de chanter avec lui. Pourtant, c'était pas la première fois, mais c'est l'effet qu'il me fait.